cours numéro 23. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى معنى الطاغوت ورؤوس أنواعه هذا الكلام من تقرير شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه كما في الدرر السنية. Ce dernier chapitre sur الطاغوت c'est من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال رحمه الله اعلم رحمك الله تعالى أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أقول أي شيخ نجمي في هذه الآية من سورة النحل ثلاثة فوائد أو ثلاث فوائد. فهذا الأصل العظيم تقدم معنا في شروط لا إله إلا الله وكذلك في شرح نواقض الإسلام. On a vu ensemble ما يتعلق بالكفر بالطاغوت. والمؤلف هنا يكونكلو cette risala sur le tawhid al-wajibat avec ce chapitre fanaqra. Beaucoup de points, on les a déjà vus ensemble dans les annulatifs de l'islam ou autres. Enfin, ce qu'on a vu, ça nous fera une révision. Et ce qu'on n'a pas vu, wallahi alhamd nastafid. Cheikh al-Islam, il a cité ce verset, min surat al-Nahl, wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasoulan. Allah subhanahu wa ta'ala arsala, il a envoyé à chaque umma un rasoul. Et la da'wa de ce rasoul, de tous les rasouls, c'était هذا. Al-Iman billahi subhanahu wa ta'ala, da'wa ila al-tawhid, wa al-tahdhir min al-shirk, min al-tawagid. Qala azza wa jal, an i'budu allaha. Ça c'est al-tawhid. Wajdanibu al-tawagid. Et délaissez, écartez-vous de al-tawagid. Qala al-shirk Najmi, aqul fi hadhihi al-aya, thalathu fawaid. Trois points. Il va tirer Cheikh Najmi de ce verset. قال وهي كما يلي الفائدة الأولى أن الله أخبرنا أنه بعث في كل أمة رسولا أي ما خلت أمة إلا وبعث منها رسول. نستفيد أولا أن chaque communauté الله سبحانه وتعالى il a envoyé à chaque communauté un rasoul لإقامة الحج عليهم حتى personne n'a d'excuse يوم القيامة. Chaque communauté a reçu un messager. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله وعلى هذا فإن الله قد بعث في كل أمة رسولا لا يدعوهم إلى عبادته وحده أو قال في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادته وحده ويقيم عليهم الحجة. أي حتى personne n'a d'excuse. Et ça paraît bien, واحد il a une excuse من أهل الفترة مثلا un قوم ou une personne qui n'a pas entendu le message. Ça peut arriver هذا خاصة في الأمم المتقدمة. وإلا فالأصل c'est qu'Allah il a envoyé un messager pour chaque communauté. Pourquoi? Pour transmettre ce message التوحيد et une mise en garde contre الطاغوت الشرك. قال الفائدة الثانية قوله أن يعبدوا الله أي أرسل في كل أمة رسولا يقول اعبدوا الله أي وحدوه بعبادتكم. وتقدم معنا أن dans le Coran quand on a لفظ العبادة c'est بمعنى التوحيد لأن العبادة لا تصح إلا بالتوحيد. Tous les versets où il y a un amr bil ibadah, c'est un amr bil tawhid. Lianna Allah Azza wa Jal, il accepte l'ibadah qui est fondée sur l'ikhlas. Comme qala jalla wa ala wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisin lahu ad-din. Wa ja'a 'an Ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu qala ma'na ya'budun ay yuwahhidun. Fa huna dans ce verset, an i'budu Allah ay yuwahhidu Allah. unifier Allah subhanahu wa ta'ala fil ibada. Et il adore seul. Et c'est ça, ma'na la ilaha illallah. La ma'bouda haqqun illallah. Qala, wahiduhu bi ibadatikum. La wa la ta'budu ma'ahu ahadan siwa. Limada, l'anna l'ibada, c'est un haqq lillahi azza wa jal. Personne n'a le droit d'être adoré. Mahma balaga min al-ilm wal-fadl wa al-manzila indallah, même si c'est un rasoul, mursal, même si c'est un malak muqarrab, fala yajouz ibadatuh. C'est pour ça que l'anbiya wa al-rasoul, ils ont tous appelé à adorer Allah Azza wa Jal seul. Amma ceux qui appellent à être adorés, ça ya'ti ma'ana, incha'Allah, dans ce tarj, annahum c'est des tawagit. At-tawut, il appelle à se faire adorer. Amma al-anbiya wa al-rasoul, ou l'ulama, ou al-salihoun, leur da'wa est fondée sur le tawhid, et adorer Allah Azza wa Jal seul. Amma al-rasoul, al-nabi, que ce soit notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou ghayru, ils ont une manzila azima indallah. Et nahnu kadhalik, on est obligé de les aimer et reconnaître leur rang. Lakin, on n'a pas le droit de les élever au niveau de ar-rububiyya. De croire annahum yatasarrafuna fil kawn, ou au niveau de l'uluhiyya annahum yastahiqoun al-ibada. Hada la yajoud. Bal an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit hada. Ma baluk ghayru al-anbiya. ما بالك بعض الناس الآن يزادور فساق كفر زنادقة et les adore من دون الله جل وعلا. Pourquoi? لأنهم ils ont pas compris ce fondement. الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. قال الفائدة الثالثة. Troisième leçon qu'on tire de ce verset. قوله واجتنب الطاغوت. أي أنه ما من رسول أرسل إلى أرسل إلا وهو يأمر أمته بعبادة الله وحده واجتناب الطاغوت دعوة جميع الأنبياء. Et nous, si on veut suivre l'anbiya et on doit les suivre, on doit commencer par هذا. C'est ça la base في الدعوة. Que ça soit avec tes parents, que ça soit avec tes proches, que ça soit avec واحد que tu connais pas, la base c'est هذا. Et si c'est la base في الدعوة, ça doit être la base كذلك في العلم. لأن pour faire da'wah, tu dois connaître, tu dois apprendre. Donc, نستفيد أن أول, la première chose qu'on doit apprendre, جميعا, c'est هذا التوحيد. Connaître التوحيد et connaître الشرك. Connaître التوحيد pour l'appeler, pour l'appliquer, appeler جميع الناس à adorer Allah seul, et connaître الطاغوت, connaître الشرك pour mettre en garde. لابد من هذين الأمرين. وتقدم معنا أن لا إله إلا الله, elle est fondée sur ces deux piliers. الإثبات والنفي. الإثبات أي إثبات أن العبادة حق لله عز وجل وحده, والنفي أي كأطر كالله سوى دوي أي الشرك. كذلك الدعوة لفندس هذا. Si on a compris, on a appris ce fondement التوحيد et son contraire الشرك, كذلك on doit faire الدعوة. دعوة جميع الرسل elle est fondée sur هذا. ثم les autres choses ça vient après. لماذا؟ لأن التوحيد لصحيح والإنسان يبتعد ويجتنب الشرك. Tout ce qui fera بإذن الله عز وجل, خاصة si c'est fondé sur العلم et ça doit être fondé sur متابعة النبي صلى الله عليه وسلم, ça sera accepté. أما واحد il adore الله عز وجل لكن il adore autre, فتout ce qui fait c'est باطل. لماذا؟ لأنه il annule tout son islam, tous ses أعمال avec الشرك بالله عز وجل كما نديتاي في نواقض الإسلام. هذه الآية سين آية عظيمة. دعوة الرسل elle est fondée sur ces deux points. الدعوة إلى التوحيد, appeler au التوحيد et mettre en garde contre الشرك. لهذا si tu vois un groupe qui appelle à autre que هذا et il donne aucune importance à هذا, comme c'est le واقع الآن, أن لا tous les groupes إلا أهل السنة ولله الحمد السلفيون أنهم يعتنون بهذا. Les autres groupes, tu verras أن بعضهم ils sont occupés par la politique, بعضهم ils sont occupés par الخرافات, بعضهم ils sont occupés par l'exagération, بعضهم les passions. لماذا؟ لأنهم ils suivent pas دعوة الرسل. نحن on doit s'accrocher à ce groupe أهل السنة والجماعة أهل الحديث السلفيون. لماذا؟ لأنهم ils ont suivi Ar-Rusul ou Al-Anbiya dans leur da'wa, et un appel au tawhid, bien sûr sans négliger les autres choses. Lakin, la base, elle est importante. Mais certains groupes, tu les trouves des années, ils appellent à certaines choses, le bon comportement, telle chose, telle chose, et ils ne citent jamais ce point. Ya'lam, on a ce genre de personnes, ce genre de groupes, ils ne sont pas à l'al-jatta, ils ne sont pas sur le bon chemin. Il y en a da'wat al-rusul, ça commence par là. Il y a notre époque, ta'lamoun, le shirk, il est propagé. Et le shirk, il a des prêcheurs, du'a, ils appellent au shirk. Min rawafid, min soufiya, min yahoud, min nasara, ils appellent au shirk, là, il n'a pas. Le sunni, il doit propager din Allah. Et on propage din Allah subhanahu wa ta'ala avec l'ilm. On propage din Allah subhanahu wa ta'ala en suivant le chemin des prophètes. Et celui qui veut suivre le chemin des prophètes, il est cité dans ce verset. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. C'est ça, da'wat al-rusul. قال رحمة الله عليه قوله وَأَمَّا صِفَةِ الْكُفْرِ بِالطَّاغُوتِ فَأَنْ تَعْتَقِدْ بُطْلَانَ عِبَادَةِ غَيْرِ اللَّهِ وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. Ce fondement, l'iman billah, adorer Allah seul, التوحيد. Tu dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Ni un prophète, ni un ange, ni un salih, ni un vivant, ni un mort, personne ne mérite l'adoration sauf Allah. Hada, c'est compris. Deuxième point, الكفر بالطاغوت. Il y en a dans le verset, c'est cité les deux. أن يعبد الله ويجتنب الطاغوت. شيخ الإسلام يتكسلك الصفة. أي كم مكواه الطاغوت. قال أن تعتقد بطلان عبادة غير الله. أولا on a la conviction أن celui qui adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette adoration elle est باطلة. Elle est باطلة. لماذا؟ لأن l'adoration c'est que pour Allah. فسي elle est donnée à autre qu'Allah, forcément c'est du باطل. Forcément c'est faux, c'est haram, c'est du shirk. هذا أولا. ثانيا وتتركها وتبغضها. Bien sûr tu délaisses, t'adores pas autre qu'Allah. لماذا؟ لأن c'est du shirk. كذلك وتبغضها, et tu détestes الشرك, et tu détestes ceux qui l'appliquent. قال وتكفر أهلها, et كذلك t'as la conviction أن celui qui adore autre qu'Allah, كاليهود والنصارى والمشركين, أنهم c'est des kafars. لماذا؟ لأن la base de l'islam c'est التوحيد. Et هم ils la contredisent. قال وتعاديهم كذلك. Tu les détestes في الله et tu les prends comme ennemis. C'est des أعداء. أعداء لله وللرسل وللملائكة وللمؤمنين. أنت, ça va impliquer des choses. أنك tu les détestes في الله. أنك tu fais attention. Tu t'éloignes d'eux. Tu fais attention à leur شبه. Tout ça, امتثالا لأوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وقوله وأما معنى الإيمان بالله فأن تعتقد أن الله هو الإله المعبود بحق وحده دون ما سوى. الإيمان بالله, أي على conviction أن celui qui mérite d'être adoré c'est Allah عز وجل. قال وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له. Que ce soit as-salat, que ce soit ad-du'a, que ce soit tawakkul, que ce soit des œuvres apparentes ou cachées, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. قال وتنفيها عن كل معبود سواه غيره وتحب أهل الإخلاص وتواليهم وتبغض أهل الشرك وتعاديهم. وتذكرون ce point, on l'a vu au début de la risala. Et les deux qawa'id qu'il a cité al-mu'allif rahmatullah alayhi min kalam shaykh al-islam, deux qa'idah, et on les avait détaillés ensemble. Asluddin wa qa'idatuhu amran. Al-awwal al-amru bi'ibadati Allah wahdahu la sharika lah, wa at-tahrid 'ala dhalik wal muwalatu fihi wa takfir man taraka. Premier point, at-tawhid, adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, et s'allier, aimer ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala seul, et avoir la conviction que celui qui n'adore pas Allah ou qui adore un autre avec Allah, c'est un kafir. Deuxième point, inzar an ash-shirk fi ibadati Allah wa at-taghlid fi dhalik wa al-mu'adatu fi wa takfir man fa'ala. Deuxième point, mettre en garde contre le shirk, détester le shirk et prendre comme pour ennemi les mouchriquin et avoir la conviction que ce n'est pas des mu'minin, c'est des kafara. Ces deux points, on les avait vus ensemble au début de la risale. Et Cheikh Najmi ou Cheikh l'Islam, il les a cités هنا كذلك. قال رحمة الله عليه أي هذا كلام شيخ نجمي ولربما قال قائل إذا عبدت الله وكفرت بالطاغوت فكيف يكلفني ربي أن أبغض أهل الشرك وأعاديهم قال الشيخ رحمة الله عليه الجواب هو أن بغض أهل الشرك ومعاداتهم فرض على المسلم c'est une obligation pour chaque musulman. C'est une personne il se pose la question est-ce qu'il faut détester Ahl-Shirk? Est-ce qu'il faut détester les Yahoud, les Nasara? La réponse, c'est naam. Et on les déteste, fillahi azza wa jal. C'est pour ça que même s'ils ont un bon comportement, même s'ils nous ont fait aucun mal, même s'ils aident certaines personnes, minal muslimin ou autres, on les déteste, fillahi azza wa jal. Pourquoi? Li'annahum yushrikoun billahi azza wa jal. ولا يؤمنون بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون بكتاب الله وهكذا c'est pas des mu'minun. أما si on les déteste parce qu'ils nous ont fait du mal et si nous font plus de mal on les déteste pas في الحقيقة cet amour et cette haine c'est plus في الله et c'est très grave et ça arrive هذا فتو تروف كثير من المسلمين مثلا يدتست اليهود ولله الحمد c'est حق il faut les détester لكن بعضهم ils les détestent لماذا لأنهم ils font du mal à nos frères en Palestine. Et nous, on les déteste pour Hada et pour autre. Lakin, même s'ils ne font pas de mal à nos frères en Palestine, et maintenant, ils leur redonnent leur terre, et ils les aident, on les déteste quand même, fillah. Pourquoi on ne les déteste pas à cause d'une terre, nous. On les déteste, les annahum, c'est des kafars. C'est pour ça qu'on déteste même les nasara, les chrétiens, qui aident soi-disant les muslimines, et fil haqiqa, même s'ils aident des muslimines, c'est ils ont une maslaha. C'est des khubatha. C'est même bab da'wa. Lakin, même si on reste sur l'apparent, annahum, ils font pas de mal aux musulmans, matalan, dans certains pays, on les déteste quand même. L'imada. On les déteste pas pour nous. Wallahi, même s'ils t'aident, même s'ils te donnent l'argent, même si, ma adri, qu'est-ce qu'ils te donnent, tu dois le détester, fillah. Pourquoi? Les annahum, il dit et il prétend que Allah, il a un fils. هكذا النصراني كذلك نبقتك الكريتين على وجه الأرض لا يؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن بالقرآن فهذا سسفي pour le détester. أما بعضهم عيادا بالله الولاء والبراء leur amour et leur haine, leur alliance et leur désaveu c'est fondé sur leur nefs. Celui qui est bien avec eux il l'aime, celui qui est pas bien avec eux il l'aime pas. C'est pour ça que tu trouves الآن بعض المسلمين للأسف ils détestent leurs frères musulmans. لماذا لأن ربما صحيح ce musulman lui a fait du mal, il a déjà eu des problèmes, il l'a critiqué, il lui a pris son argent, ça arrive, il le déteste. Et ربما il aime al-kafar. Pourquoi لأن il dit les kafara ils n'ont jamais rien fait, ils sont juste il a akhir. هذا ولاؤه وبراؤه il n'est pas fondé sur al-haq. Et c'est pas لله عز وجل. أما المسلم même si son frère lui fait du mal, bien sûr que t'es pas d'accord s'il te fait du mal et tu dois reprendre ton haq. Et on déteste s'il est injuste et on le déteste sur ce point-là, mais on l'aime quand même, li annahu c'est un mu'min et c'est un mu'ahid, yu'min bi nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yu'min bil Qur'an ila akhir. Amma al-kafir, quoi qu'il nous fasse, on le déteste fillah azza wa jalla. Wa law kana aqrab qareeb. Wa la'alla Cheikh Najmi va citer hada. Qala al-jawab huwa anna bughd ahli ash-shirk wa mu'adatihim fard 'ala al-muslim. ومواد أهل الشرك نعم نعم مواد أهل الشرك من المودة نعم أي الحب ومواد أهل الشرك أو أهل التوحيد ومحبتهم وموالاتهم أيضا فرض لقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان كلام الله عز وجل أن المؤمن الموحد il peut pas aimer un كافر un مشرك. Pourquoi? لأن ce مشرك كما قال عز وجل من حاد الله ورسوله il déteste Allah et son messager, il combat Allah et son messager, il croit pas en Allah et son messager. فكيف أنت تبقى رحبخشي كيف أنت تبقى لأمي Tu trouves, Ardennas, si Wahed il n'aime pas son père ou sa mère ou son fils, et il l'éloigne. Pourquoi il aime son père, il aime sa mère, il aime son fils? Si Wahed il ne respecte pas ces personnes qu'il aime, ou il leur fait du mal, il va le détester. Tu trouves, Ardennas, ils insultent Allah. Ils insultent Rasulallah, ils font du mal au din, ils combattent le din, et son cœur ne bouge pas. Tant que il n'est pas touché, sa famille. Et notre din, notre amour, notre vie doit être fondée sur din. Enfin, celui qui ne croit pas, ou qui combat, ou qui ne suit pas, même si c'est une personne proche, ces deux catégories, c'est les personnes les plus proches, les parents et les enfants. Enfin, si nos parents ou nos enfants, c'est des ennemis de l'islam, c'est pas des musulmans, c'est des kafaras, on les déteste fillahi azza wa jal. Limadha li anna Allah amrana bihada. La tajidu qawman, tu ne trouveras pas un qawm qui à la fois aimé ce que Allah déteste, même si c'est des proches. Et on répète souvent, baqi al mahabba al tabi'iyya, aimer un amour naturel, lianna c'est un enfant ou c'est un parent. Cet amour il reste dans le cœur, al mahabba. Hadi ya aucun mal. Lakin nahnu on parle mahabbat ad-din. النصره اكسدرا فهذه ابدا même si c'est un proche tu le détestes fillah par rapport à son kufr et si c'est un parent un enfant enfin tu vas l'aimer par rapport au lien que tu as avec lui il y a pas de contradiction entre ces deux mahabba ou cette mahabba et le bughd هذا كذلك on l'a cité plusieurs fois فهذه الايه صارفه وصريحه في انه لا يحب المشركين ويواليهم الا من ضعف ايمانه وقل نصيبهم منه أما أهل الإيمان الحقيقي فإنهم يبغضون أهل الشرك ويعادونهم وهذه ملة إبراهيم التي لا يرغب عنها إلا من سفه نفسه. Ça c'est la voix de tous les messagers. ملة إبراهيم الحنيفية التوحيد c'est fondé sur الحب والبغض الولاء والبر. Ce point il est très très important. L'alliance et les deux aveux, aimer et détester. Al-Mu'min, il n'aime pas qui il veut et il ne déteste pas qui il veut. Là, son amour et sa haine, ça doit être fondé sur Ad-Din. Wa ta'ammal hal nabiyina Ibrahim alayhi salatu wassalam. Qala Allah azza wa jal, wa man yarghab an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Wa laqad istafaynahu fi ad-dunya wa innahu fi al-akhirati lamina as-salihin. Wa Sheikh Najmi rahmatullahi alayhi va citer des autres versets ou un autre verset pour montrer da'wat Ibrahim et comment il était avec les mushrikin. Fa Allah subhanahu wa ta'ala démontre que celui qui délaisse millat Ibrahim et la voix de Ibrahim, c'est un safih, illa man safiha nafsa. Safih, ils traduisent par faible d'esprit. Il n'est pas ala al-haq, il n'est pas ala al-huda. Qala al-shaykh rahimahullah, Allahumma ja'alna mimman tastafihim ya Rabb. تصطفيهم بالإيمان بك ومحبتك وبغض كل ما مألوه سواك وبغض كل ما يعبد من يعبد غيرك دعاء طيب شيخ نجمي il a fait ce dua أن notre amour et notre haine ça doit être fondé sur le tawhid فالموحد on l'aime et المشرك on le déteste قال وقول المصنف يرحمه الله وهذه ملة إبراهيم التي سفها نفسه من رغب عنها من رغب عنها أي celui qui la délaisse وهذه هي الأسوة التي أخبر بها في قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم الله سبحانه وتعالى dans ce verset من سورة الممتحنة يبين لنا أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم c'est une أسوة pour nous. Al-Uswa, c'est un exemple, un modèle. Qala lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladhina ma'ah idh qalu liqawmihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Bura'ah, ils se sont désavoués d'eux. Limadha? Li'annahum 'abadu ghayra Allah. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Wa ta'ammal le verset. Ils se sont désavoués d'eux et de ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et leur statut. Enfin, ça ne suffit pas de détester le shirk. Il faut détester le shirk et détester le mushrik. Wa ta'ammal fil aya anna Allah subhanahu wa ta'ala dhakara صاحب الفعل avant le فعل أي المشرك avant le شرك. قال عز وجل إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم أي on se désavoue de vous ومما تعبدون من دون الله et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Les deux. هكذا المؤمن. أنا بعض الناس الآن يقولون نعم le christianisme, le judaïsme c'est batel il a akhari. Quand tu lui cites tel chrétien, tel juif, il ne peut pas le détester, ou pour lui ça ne se fait pas, ou tu détestes le fi'l et tu détestes le fa'il, les deux. Les al-shirk, ça ne se fait pas tout seul. La bud min fa'il. On déteste celui qui le fait. قال إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم براءة أي un désaveu أولا ثم كفرنا بكم وبذا بيننا وبينكم العداوة تكفير أنهم سيدي كفرا نعتقد هذا bien sûr on va pas tout répéter دائما il y a des ضوابط إلى آخره وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء كذلك عداوة وبغض العداوة si on les prend comme ennemi et البغض معروف on les déteste في الله عز وجل هكذا كان إبراهيم ومن معه من المؤمنين قال عز وجل لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه هكذا حال المؤمن حال المؤمن il aime pas qui veut et il donne aucune importance à ce point là قال عز وجل وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده خلاص عم montre أن الميزان في هذه المسألة c'est التوحيد أي notre حال notre situation notre comportement avec vous, ça sera comme ça. On vous déteste, on se désavoue de vous, on a la croyance que vous n'êtes pas des mu'minins, vous êtes des kafaras. Ça sera comme ça jusqu'à ce que vous rentrez fi din l'islam. Wa tuwahidouna Allah subhanahu wa ta'ala fi l'ibada, wa tu'minouna bil rasoul. Tant qu'il n'y a pas ça, ça reste un adou. Même s'il n'a pas pris notre terre, même s'il ne nous fait aucun mal. Hada, c'est ça al-mizan al-haqiqi. قال وهذه الآية دليل على معاداة ومصارمة المشركين والكافرين ذلك لأن الله عز وجل هو الذي خلقنا وخلق الكون كله بما فيه من عوالم علوية وسفلية فهو الذي خلق الخلق ورزقهم pourquoi on doit adorer Allah عز وجل seul et pourquoi on déteste ceux qui ne l'adorent pas لأن الله سبحانه وتعالى c'est le خالق Il a tout créé. Enfin, pourquoi adorer un autre? Pourquoi ne pas l'adorer? Annahu, il t'a créé, il t'a donné mina rizq et il t'a facilité et on n'était rien. Khalaqana min al-adam. Thumma, tu trouves ba'd an-nas annahum la yashkurun bal yuharibun wa yu'adun. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala il a un haq sur le jami' et ce haq c'est l'ibadah. قال وهو الذي يحياهم ويسر لهم الرزق هذا الرزق que tout le monde profite que ça soit l'eau que ça soit les nourritures que ça soit l'oxygène que ça soit la bonne santé tout ça c'est من عند الله عز وجل قال وأمرهم بعبادته وحده والله سبحانه وتعالى أمر العباد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون عبادة Alhamdulillah, tu profites de ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a créé pour toi sans dépasser les limites. Lakin, بعض الناس ils ont du inat. بعض الناس عياذا بالله ils ont du irad, du kibr, du kufr. Et ils ne veulent pas reconnaître. Et ils ne veulent pas adorer Allah عز و جل. Et fait l'aqira, ils se font du mal qu'à eux. Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun 'ani al-'alamin. Il a besoin de personne. Enfin, celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour lui. Et celui qui ne veut pas adorer ou qui combat l'islam, il se fait du mal qu'à lui, fil haqiqa. قال فمن عبد سواه وآمن بغيره فإنه قد سفيه نفسه. هذا c'est أكبر سفيه. السفيه الحقيقي. C'est celui qui n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala. Même si tu le vois, il a une situation fil dunya, il a une place. Il a un travail, il a une famille, tu le trouves عند الناس, il a un certain rang dans la société ou autre. Et c'est un safih, en fait. Safih, c'est un faible d'esprit. لماذا لأن la base, le but de pourquoi il a été créé, il ne l'applique pas. Enfin, ça va lui servir à quoi d'être bien avec les gens ou avec sa famille ou avoir un bon comportement, avoir une place, ça ne lui sert à rien. لأن Aujourd'hui, hayatun wa ghadan maut. Aujourd'hui, il est en bonne santé, demain malade. Aujourd'hui, il est avec sa famille, il est ghadan, il est tahta al-ard, il sera sous terre, comme tout le monde. Hada fi haqiqa sansafi. Amma al-muwaffaq, c'est celui qui pense à pourquoi il a été créé. Et pense à son avenir. C'est ça l'avenir al-haqiqi. Et dans la tombe, est-ce que tu vas répondre aux questions? Yawm al-qiyama, est-ce que tu seras de ceux qui vont prendre leur livre de la main droite? Est-ce que tu seras de ceux qui vont traverser ce sirat, qui vont rentrer vers le jannah? Mais celui qui fait rien pour ces moments, c'est un safi. Il n'est pas muwaffaq. Al-hada al-kuffar, c'est des soufaha. La tartar. On ne doit pas être impressionné par leur amwal, par leur niveau de vie. Abadan, c'est des kafara, c'est des soufaha. Cette dunya, elle partira. Amma celui qui est aqil, muwaffaq min indillah, subhanahu wa ta'ala, il prépare l'akhira. Amma hada, ça va passer. Et dès que tu vois, on mange, il mange. Tu dors, il dort. Tout ce qu'ils font, alhamdulillah, on le fait. Et là, ils ont certaines facilités dans certaines choses, seules. Dunya hadi, on patient. Lakin, la vraie demeure, c'est l'akhira. قال الشيخ أيحق عند العقلاء أن الله هو يخلق ويرزق وهو يحيي ويميت وهو الذي كلف العباد بعبادته وحده دون سواه أيصح عند العقلاء أن يكون هو الذي يخلق ويرزق ويعبد غيره من لم يخلق فيك ولا في غيرك مثقال ذرة ولا يملك شيئا. C'est pour ça que c'est des soufah. Est-ce que après tout ça, واحد il peut accepter أن un mort il est adoré, ou un être humain, ou une statue, ou une pierre, ou un arbre, alors que c'est Allah qui a créé, alors que cette créature, elle ne peut rien donner, elle ne peut rien enlever. Avec le haqiqa, celui qui adore autre qu'Allah, c'est un safi. Tu trouves, Adnès, Robama, il avait des études, Robama, il a un certain rang dans la société, peut-être que c'est un médecin, peut-être, il adore une tombe. C'est un safi. L'aqil al-muwaffaq, l'imada, il va adorer un mort. J'adore celui qui m'a créé. J'adore celui qui peut me donner. Un makhlouq qui adore un makhlouq plus faible que lui. Tu trouves un vivant, il adore un mort. Alors que le mort, il ne peut plus rien faire. Il est khufra, il pourrait faire quelque chose, il serait sorti de ce trou. Lakin, ça fait. Qala, rahimahullah, qala ta'ala, qulid'u alladhina za'amtum min dounillah, la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard. وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. On lit ces versets, ثم il va les expliquer, رحمة الله عليه. وَقَالَ سُبْحَانَ فِي سُورَةِ فَاطِرِ بَعْدَمَا ذَكَرَ شَيْئًا مِنْ مُلْكِهِ فِي الْكَوْنِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ثُمَّ قَالْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. Ces versets من سورة سبأ ومن سورة فاطر, c'est des versets clairs qui prouvent et qui montrent أن المستحق للعبادة c'est Allah. Et en adorer autre qu'Allah, c'est min as-safaha. Faqala azza wa jal. Aw naqra kalam Cheikh Najmi, va expliquer. Faqad akhbara jalla min qa'il subhana bi anna al-mad'uwin min dunihi la yamlikuna mithqala dharratin fi as-samawati wala fi al-ard. Sahih. Il possède rien. Mithqal ad-dharra, c'est quelque chose de très petit. Ils traduisent par un atome ou autre. Muhim, quelque chose d'infiniment petit. Sahih, l'insan, il possède rien. Lui-même, il est créé. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il coupe l'oxygène à ce abd, il ne peut plus rien faire. Ou il coupe l'eau. L'insan, il possède rien. Il est élevé au rang de l'uluhiyya. قال الشيخ رحمة الله عليه ونفى الشراك المتوهم وما لهم فيهما من شرك. كذلك واحد peut dire, نعم, on sait qui. On sait que ce n'est pas le créateur, on sait qu'il ne possède rien, mais c'est un associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Ou c'est le fils d'Allah, comme ils disent Nasara, yadam billah. Allah subhanahu wa ta'ala قال وما لهم فيهما من شرك. Allah, il n'a pas d'associé. Il gère tout. Il a tout créé seul, il n'a besoin de personne. On n'a pas besoin d'adorer un de ses associés. Il n'a pas d'associé, Azza wa Jal. Pas de femme, pas d'enfant. C'est Al-Ahad. Al-Samad, Azza wa Jal. Lam yalid, wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufwan ahad. Allah, il a besoin de personne. Personne ne lui ressemble. Al-Ibada, c'est un haq que pour lui. قال الشيخ ونفى المعاونة والمظاهرة وما لهم منهم من ظهير. كذلك الله لا besoin de personne. Donc on n'a pas besoin d'adorer un autre لأنه il l'aide Allah أبدا. Ça c'est fait le makhlouq. Tu peux aider quelqu'un. حتى un roi il a besoin de l'aide. Il peut pas tout faire tout seul. حتى un gouverneur. حتى مهما بلغ حكمه c'est un être humain il aura besoin. Il peut pas tout faire tout seul. Allah سبحانه وتعالى il a besoin de personne. وأخبر في سورة فاطر أن المدعوين من دونهم ما يملكون من قطمير. في سورة فاطر الله سبحانه وتعالى إلى ستان إكزامبل أن حتى القطمير ils peuvent pas le créer, le possède pas. C'est Allah سبحانه وتعالى. قال ما يملكون من قطمير والقطمير هو الغشاء أو القشرة البيضاء تكون على النواة. النواة c'est le noyau de date. القطمير c'est cette pellicule qui est très fine. Quand tu manges une date, sur le noyau, tu verras qu'il y a une petite pellicule blanche très fine. C'est ça le qitmir. Allah subhanahu wa ta'ala, il montre un al-abd, hatta hada, il ne le possède pas. Sahih. Si tu dis à n'importe quel abd, je veux que tu me crées cette pellicule blanche, qitmir, l'an, à partir de rien, il ne pourra pas, evident. Il ne pourra pas. Ou quelque chose de plus petit, il ne pourra pas. L'anna qad yaqul qa'il, wahid, il peut se poser la question, lakin l'an, les êtres humains, le kafara, ils arrivent à faire des avions, des voitures, des... tout ça, la base, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur a donné. Que ce soit l'eau, que ce soit le fer, que ce soit le bois, tout ça, c'est min makhlouqat. Ils ne font que assembler, déformer, il a affaire. Lakin, dis-lui qu'il fasse une chose de rien. Ben, ça y est, c'est-à-dire. Si on coupe l'eau, ils ne peuvent plus rien faire. Faqat l'eau, ils ne pourront plus rien faire. On coupe l'oxygène, ils ne pourront plus rien faire. قال وأن الملك كله لله وأن ملوك الدنيا والملاك وما ملك كلهم عبيد مملوكون لله ونفى كون المدعوين يسمعون ونفى استجابتهم ولو سمعوا. نعم في قول الله عز وجل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. أي ceux que vous invoquez ils n'entendent pas. بعضهم عياذا بالله demande à des morts qui sont enterrés depuis des années. بعضهم عيادا بالله demande à une statue, à une pierre. فولو si cette chose qui est invoquée en dehors d'Allah elle entendrait, elle ne pourrait pas répondre. قال عز قال نعم ولو سمع قال يعني لو كان المدعو حيا فدعوته ليفرج عنك كربا من الكروب التي لا يقدر عليها إلا الله فإنه لا يستطيع الاستجابة لك. لأن il y a des choses, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut les faire, qui peut les accomplir, qui peut répondre. Amma, demander à quelqu'un une chose dont il est capable de faire et il est vivant, il a rien, on a déjà expliqué, c'est pas du shirk. Qala, wa anna ha'ula al-mad'ouin. Al-mad'ouin, c'est ceux qui sont invoqués. Al-du'a, al-da'i, al-mad'ou. Al-du'a, c'est l'invocation. Al-da'i, c'est celui qui invoque. Al-mad'ou, c'est celui qui est invoqué. قال المدعوين من دون الله سوف يكفرون أي سينكرون ويجحدون من أشركهم مع الله ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذه المصيبة وحصرة للمشركين يوم القيامة. Ce mort qu'il a invoqué, ou cette créature qu'il a adoré pendant des années, pendant qu'il était en vie, يوم القيامة, cette chose qu'il adorait, elle se désavouera de lui. Indallah. Il restera tout seul. Iblis, Ra'sul Kufr, il se désavouera de ses suiveurs. Est-ce que tu as déjà vu une khadila mitla hadi? Toutes leurs années, pardon, ils font des sacrifices pour leurs idoles. Et du temps, de l'argent, toute leur vie, quand ils meurent, yawm al-qiyamah, cette chose qu'il adorait, elle se désavoue de lui. Il aurait adoré Allah subhanahu wa ta'ala, ar-Rahman. Il aurait trouvé une récompense, wa janna ila akhir. Fa'iyadan billah, tu ne trouveras pas des soufaha comme al-mushrikin. Qala, hadhihi kulluha توطئة وبيان أن الله هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه. ولهذا جاء في الحديث أن الله أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس أن يبلغها بني إسرائيل، وأنه أبطأ فقال له عيسى بن مريم عليه السلام: إما أن تبلغهم وإما أن أبلغهم. الله سبحانه وتعالى إلى أردن يحيى بن زكريا عليه السلام de transmettre à son peuple cinq choses. فقال يحيى عليه السلام: إني أخشى إن بلغتهم أن يعذبني الله. فجمع بني إسرائيل وبلغهم الخمس. Il a rassemblé بنو إسرائيل et il leur a transmis ces cinq choses. وأولها, la première chose que Allah lui a ordonné de transmettre à هؤلاء, أن يعبدوا الله وحده. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Da'watu jami' al-anbiya. C'est la base. Wa anna mathala dhalikum ka mathali rajulin ishtara 'abdan min khalis malih. Ta'ammalu ce mithal. Cet exemple, cette image qui va leur donner pour leur expliquer at-tawhid. Qala mathal anna mathala dhalikum ka mathali rajulin ishtara 'abdan min khalis malih. C'est comme un homme qui a acheté un esclave avec son propre argent. Ou, de nos jours, tu payes quelqu'un pour qu'il travaille pour toi. Là, tu le payes, tu lui donnes tant par mois, un salaire, pour qu'il fasse tel amal, telle tâche. Il doit venir à telle heure, il doit fabriquer maintenant tant de pièces. Mouhim, tu lui donnes un travail à faire, il doit le faire. Ta'ammalou ce mithal. Thumma qal i'mal wa addi ilayya. Donc, tu le payes et tu lui dis, moi je veux que tu travailles pour moi et tu fasses telle chose et telle chose. Il le paye et ce abd, cette personne qui travaille pour, qui doit travailler pour lui à la base, anta tu le payes et il va y travailler pour un autre. Normalement, il doit travailler pour toi. Là, il ne vient pas et il va travailler pour un autre. Et cet autre, il ne le paye pas. C'est toi qui le paye. Il te laisse et il va travailler pour un autre. Est-ce qu'un de nous, il va accepter que son abd, cette personne qui travaille pour lui, elle soit comme ça? Personne n'acceptera. Tu vas dire quoi? C'est du zulm. Il est injuste. Je le paye, il travaille pour un autre. Fama baluk, celui qui a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala, et il adore un autre. Falihada Allah subhanahu wa ta'ala qala inna shirka la zulmun azim. C'est le plus grand zulm. Allah, il les a créés. Il leur donne. Il leur pardonne s'ils reviennent. Il leur montre. Il leur laisse du temps. Ma'ahada, tu trouves, ba'd al-mujrimin, wala sajda. Pas une prosternation lillah. Une kalima, il ne veut pas la dire. Ashhadu an la ilaha illallah. Bel son cœur, croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne veut pas. Fa'ha'ula, c'est des zulm. C'est pour ça que le châtiment que Allah il a préparé aux mouchriquins, wa nas'alullah azza wa jalla as-salam wa al-'afiyah, il le mérite. Il le mérite les annahum c'est des zalama. Ta'ammal ce mithal, il est tayyib. Al hadith, il est sahih, sahahahu al-Imam al-Albani rahmatullah alayh. Naktafi bi hadha et ce qui manque inshallah dans le prochain dars. Ça sera le dernier dars inshallah jeudi. نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة. غيّزي هذا الباب الطاغوت إن شاء الله jeudi même heure on essaie de finir cette rissale. Et jeudi إن شاء الله on essaiera de emmener le prochain livre. حتى si on doit l'imprimer on l'imprime, ou si on doit l'acheter on l'achète. J'essaierai de vous communiquer le titre du prochain livre, le prochain dars إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك